Unité 18. Conversation. Écoutez. 1. Monsieur, comment vous appelez-vous? 2. Je m'appelle Antoine Dubois. 3. Vous avez une profession? 4. Oui, je suis ingénieur chez Peugeot. 5. Est-ce que vous habitez à Paris? 6. Non, je n'habite pas à Paris. J'habite à Fontainebleau. Répondez, répétez. 7. Monsieur, comment vous appelez-vous? 8. Je m'appelle Antoine Dubois. 9. Vous avez une profession? 10. Oui, je suis ingénieur chez Peugeot. 11. Est-ce que vous habitez à Paris? 12. Non, je n'habite pas à Paris. J'habite à Fontainebleau. Écoutez. 13. Ce soir, je te présente à mon amie Françoise. 14. Elle est secrétaire, c'est ma collègue de bureau. 15. Je lui ai souvent parlé de toi. 16. Elle aussi vient avec nous à la montagne. 17. Elle aime faire du ski. 18. C'est une fille très sympathique. Répondez, répétez. 19. À qui me présentes-tu ce soir? 20. Ce soir, je te présente à mon amie Françoise. 21. Travaille-t-elle avec toi? 22. Oui, elle est secrétaire, c'est ma collègue de bureau. 23. Lui as-tu déjà parlé de moi? 24. Oui, je lui ai souvent parlé de toi. 25. Vient-elle avec nous à la montagne? 26. Oui, elle aussi vient avec nous à la montagne. 27. Aime-t-elle faire du ski? 28. Oui, elle aime faire du ski. 29. Est-elle sympathique? 30. Oui, c'est une fille très sympathique. Écoutez. 31. La région de la Loire est belle. 32. De nombreux touristes étrangers y viennent en été. 33. Ils vont visiter les merveilleux châteaux de la Renaissance. 34. Ils peuvent souvent assister à des spectacles son et lumière. Répondez, répétez. 35. Est-ce que la région de la Loire est belle? 36. Oui, la région de la Loire est belle. 37. Les touristes y viennent en été? 38. Oui, de nombreux touristes étrangers y viennent en été. 39. Que vont-ils visiter? 40. Ils vont visiter les merveilleux châteaux de la Loire. 41. Peuvent-ils assister à des spectacles? 42. Oui, ils peuvent souvent assister à des spectacles son et lumière. 43. Quand pouvons-nous aller voir Antigone d'Anouilh? 44. La semaine prochaine, je pense. 45. Tes amies italiennes viennent-elles aussi? 46. Je pense que oui. Elles aiment beaucoup Anouilh. 47. Achètes-tu nos billets? 48. Oui, je pense aller les acheter demain. Répondez, répétez. 49. Quand pouvons-nous aller voir Antigone d'Anouilh? 50. La semaine prochaine, je pense. 51. Tes amies italiennes viennent-elles aussi? 52. Je pense que oui. Elles aiment beaucoup Anouilh. 53. Achètes-tu nos billets? 54. Oui. Je pense aller les acheter demain. Écoutez. 55. Mademoiselle, où se trouve le bureau du chef du personnel? 56. C'est la première porte à droite. 57. Vous avez rendez-vous avec lui? 58. Oui, j'ai rendez-vous à 3h30. 59. Je peux le voir tout de suite? 60. Patientez un instant, il est en train de téléphoner. Répondez, répétez. 61. Mademoiselle, où se trouve le bureau du chef du personnel? 62. C'est la première porte à droite. 63. Vous avez rendez-vous avec lui? 64. Oui, j'ai rendez-vous à 3h30. 65. Je peux le voir tout de suite. 66. Patientez un instant, il est en train de téléphoner. Écoutez. 67. Qu'as-tu eu pour ton anniversaire? 68. Pour mon anniversaire, j'ai eu plusieurs cadeaux. 69. Que t'ont donné tes parents? 70. Mes parents m'ont acheté une mobylette. 71. Ton frère t'a-t-il fait un cadeau? 72. Non, il est toujours fauché. 73. Alors, qui t'a fait d'autres cadeaux? 74. Mon petit ami m'a apporté un livre de Prévert. Répondez, répétez. 75. Qu'as-tu eu pour ton anniversaire? 76. Pour mon anniversaire, j'ai eu plusieurs cadeaux. 77. Que t'ont donné tes parents? 78. Mes parents m'ont acheté une mobylette. 79. Ton frère t'a-t-il fait un cadeau? 80. Non, il est toujours fauché. 81. Alors, qui t'a fait d'autres cadeaux? 82. Mon petit ami m'a apporté un livre de Prévert. Écoutez. 83. Êtes-vous allé au théâtre ces jours-ci? 84. Oui, nous avons vu le Misanthrope de Vitesse. 85. L'avez-vous aimé? 86. Oui, j'ai aimé cette mise en scène, c'est un spectacle original. 87. N'est-ce pas votre avis? 88. Non, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas aimé cette pièce. Répondez, répétez. 89. Êtes-vous allé au théâtre ces jours-ci? 90. Oui, nous avons vu le Misanthrope de Vitesse. 91. L'avez-vous aimé? 92. Oui, j'ai aimé cette mise en scène, c'est un spectacle original. 93. N'est-ce pas votre avis? 94. Non, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas aimé cette pièce. Écoutez. 95. Alors, Pierre, vas-tu chez les Blancs à Langeais la semaine prochaine? 96. Oui, j'y vais sans doute samedi. 97. Tu passes par Tours? 98. Oui, c'est ma route. 99. Peux-tu déposer mes enfants chez leur grand-mère à Tours? 100. Bien sûr. Les miens sont déjà en vacances. Il y a de la place dans ma voiture. Répondez, répétez. 101. Alors, Pierre, vas-tu chez les Blancs à Langeais la semaine prochaine? 102. Oui, j'y vais sans doute samedi. 103. Tu passes par Tours? 104. Oui, c'est ma route. 105. Peux-tu déposer mes enfants chez leur grand-mère à Tours? 106. Bien sûr. Les miens sont déjà en vacances. Il y a de la place dans ma voiture.